19. Chien d'aveugle. Monsieur, hé, monsieur! Je me retournai à cet appel, jeté d'une voix hésitante, et je vis debout au milieu de l'herbe un vieil homme qui battait l'air de son bâton. Excusez-moi, monsieur, continua le vieil homme, mais je suis aveugle, et depuis plus d'une heure que me voilà à cette place, vous êtes le premier dont j'ai entendu le pas dans les cailloux. Des 5 ou 6 courts boulevards qui, plantés sur les anciens fossés, font une ceinture verdoyante aux remparts croulants de la ville, le boulevard des Lys, avec son triple rang d'ormeaux bossus, d'où l'été pleuvent d'énormes chenilles, et ses allées envahies par une herbe épaisse, au travers de laquelle l'habitude des rares passants trace à la longue un réseau d'obliques raccourcis, était certes le plus solitaire. En outre, le voisinage du cimetière, alignant là-bas ses cyprès, une cahute peinte en rouge, jadis demeure du bourreau, et 2 maisons toujours étrangement closes, mais qui le soir allument dans l'ombre, phare de quelque artilleur ivre, une double lueur de verre luisant, laissait planer sur ce quartier une inquiétante renommée. Les promeneurs bourgeois l'évitaient, préférant d'ailleurs par simple goût l'avenue correcte, toute neuve, qui mène du pont à la gare. Et je ne m'étonnais point qu'un malheureux aveugle échoué là fût resté longtemps sans trouver personne à qui parler. Cependant, l'aveugle me demandait si je connaissais le pays, et, sur ma réponse affirmative, il me pria de le conduire à la fourrière aux chiens. La fourrière, en effet, n'était pas loin, et j'avais tort de l'oublier dans la liste des établissements plus ou moins répugnants et louches qui sont l'ordinaire décor de nos suburbes provinciales. Chemin faisant, l'aveugle me raconta son aventure. Chercheur de pain, par métier. Hors de Paris, les aveugles n'en exercent guère d'autres. L'avant-veille, en compagnie de son chien, qui souffrait de la chaleur, lui aussi, et tirait la langue, il avait eu l'idée de se rafraîchir en passant devant un cabaret modeste, où l'on vend un petit vin gai qui a goût de raisin et ne coûte pas cher. Si pauvre qu'on soit, on peut avoir soif quand on court depuis le matin de ferme en ferme, dans la poussière des grandes routes. Malheureusement, il s'était endormi, et Dévorien avait profité de son sommeil pour couper la laisse du chien et l'emmener. « Car ils l'ont emmené, monsieur, emmené de force. De son plein gré, la brave bête ne m'eût pas quitté pour les suivre. Un si bon chien, monsieur. Je l'appelais Bourriquet en manière d'amitié, et parce que des fois, dans nos discussions, quand il se mettait en tête de me conduire où je ne voulais pas aller, il était têtu autant qu'un homme. » Bref, le cantonnier avait vu 3 particuliers assez mal mis, à mine de gueux de faubourg qui, en riant comme après un mauvais coup, traînait un chien mouton du côté de la ville. Et comme resté seul, notre homme se désespérait, des rouliers avaient consenti à lui faire une place sur leur voiture. Aussitôt arrivé, il s'était informé un peu partout. Des gens lui dirent qu'en effet, un chien effaré, sans collier, ayant tout l'air d'un chien d'aveugle, courait les rues. Il cherchait ainsi Bourriquet depuis 2 jours. Et Bourriquet, ne se retrouvant pas, quelqu'un venait de lui conseiller de s'adresser à la fourrière. « Je n'en savais rien, monsieur. Il paraît que c'est un endroit où l'on enferme les chiens sans maître. On les tue, comprenez-vous ça, s'ils ne sont pas réclamés dans les 24 heures. Pourvu que Bourriquet n'y soit pas d'hier. Mais Bourriquet est fin. Il ne connaît que moi, et le gaillard ne se sera pas laissé prendre si vite. » L'aveugle marchait, parlant toujours, cherchant à s'étourdir, à se tromper lui-même, mais je voyais bien qu'au fond de l'âme, il était fort inquiet du sort de Bourriquet. À mesure que nous approchions du but, sa parole se faisait plus émue, et il devint soudain tout pâle, qu'en m'arrêtant, je dis « C'est là !» Cette bâtisse était sinistre, et son aspect, s'il avait pu le voir, eût achevé de désespérer le pauvre homme. Une petite cour précédant une tour ronde, qui jadis avait sans doute fait partie des fortifications, sur la porte une inscription en lettres noires « Fourrière des chiens ». Et les chiens, en entrant, devaient, comme on dit, sentir leur mort, car la fourrière se trouvait contiguë à un chantier d'écarissage. Nous sonnâmes. Un employé à casquette galonnée vint ouvrir. Il me reconnut et tout de suite fut aimable. Un chien d'aveugle, tondu en lion, avec une houppe au bout de la queue. Non, je ne me rappelle pas de chien d'aveugle. Mais on peut toujours voir, vous comprenez, il nous en vient tant. Les ordres depuis quelque temps sont très sévères à cause de la rage. Et souriant, il nous guidait vers l'angle de la cour où, dans un chenil à claire-voie, quelques malheureux toutous, non réclamés encore, attendaient leur sort. Ils n'aboyèrent point à notre approche. Résignés et mélancoliques, ils nous regardaient d'un œil doux. L'aveugle appela Bourriquet, mais Bourriquet ne répondit pas. « Voilà, dit l'employé, tous les chiens capturés dans la journée d'hier. Et les autres, ceux d'avant-hier. Oh, pour cela, leur compte est bon, et depuis ce matin, ils n'ont plus besoin de pâté. » Alors, ne pouvant dissimuler davantage ses funestes pressentiments, l'aveugle, d'une voix que l'émotion rendait plus suppliante, demanda « Me permettrait-on de les voir, pour être bien sûr, si, par hasard ?»« Rien de plus facile, ils sont là. Justement, le garçon d'à côté se trouve en retard et n'a pas pris livraison encore. » Dans notre province honteusement arriérée, on n'emploie pas pour tuer les chiens les procédés civilisés mis en honneur par la science. On ne les asphyxie pas avec l'oxyde de carbone. On les étrangle, comme au bon vieux temps. Tout autour de la salle voûtée et ronde, à des crocs fixés dans le mur, une demi-douzaine de chiens pendaient, le cou serré d'un nœud coulant, le corps raidi, la langue tirée, avec ces attitudes lamentablement comiques que la potence donne, paraît-il, aux animaux ainsi qu'aux hommes. Un rayon de soleil pénétrait par une meurtrière, aveuglant et mince comme une tige de fer rougie au feu. Et ce rayon éclaboussant d'or le pavé rouge et mal lavé ajoutait à l'horreur macabre du spectacle. Écœuré pour ma part, j'essayais d'entraîner l'aveugle. « Sortons, votre bourriquet n'est pas là. » Mais l'aveugle refusa, se méfiant. Il avait son idée et voulant savoir par lui-même. Lentement, de ses mains tremblantes, il palpait, l'un après l'autre, les cadavres, et il hésitait parfois, craignant de reconnaître Bourriquet. Au troisième, un caniche à toison frisé, je le vis tressaillir et recommencer, très ému, son investigation muette. Un nouvel examen, plus attentif, le rassura. Il nous dit « J'ai eu bien peur, celui-ci lui ressemble, mais ce n'est pas lui. » Puis, quand il en fut au dernier, avec un soupir soulagé, « Vous êtes de braves gens, je vous remercie. Voyez-vous, de penser que Bourriquet pouvait être mort ainsi, je n'aurais pas dormi de la nuit. Mais maintenant, s'il vient un chien mouton, et que ce soit Bourriquet, on ne le tuera pas, puisque d'avance je le réclame. » L'employé promit et ajouta, « Dame, c'est votre droit, si vous voulez venir ici tous les matins. Et tenez, je vous conseille d'attendre. Le soleil baisse, et la charrette ne tardera pas à rentrer avec le gibier de la journée. » Il avait raison. La charrette arrivait, précédée du bruit d'une sonnette énorme qui, derrière les grilles, sur le seuil des portes, éveillait au passage un concert d'abois furieux. Deux hommes l'escortaient, armés de lacets et de cordes. Une fois devant le chenil, on abaissa la trappe à bascule qui faisait ressembler la charrette à une sourcière géante. Mais les prisonniers, devinant, ne voulaient pas sortir. « Bourriquet, es-tu là ? » fit doucement l'aveugle. Un chien s'élança, hurlant, fou de joie. « Ah, Bourriquet ! Ah, l'imbécile qui s'est laissé prendre à la fin !» Bourriquet tendait déjà son cou à la laisse, léchant les mains qui l'attachaient, et tandis que je soldais discrètement les frais de fourrière, j'entendais l'aveugle crier « Va, Bourriquet, va devant nous, toujours tout droit, dans la campagne. Va, Bourriquet, loin de ces villes où les hommes pendent les chiens !»